Les dépravés, chapitre 2. Il est peu de femmes qui, une fois au moins, n'aient élaboré leur petit projet de suicide. Et quand on obtient de l'une d'elles l'aveu des motifs qui l'entraînaient ainsi vers la tombe, il est rare qu'elle ne commence pas son récit par ces mots. Ah, c'est toute une histoire. Il y avait aussi toute une histoire dans l'expédition aérienne que venait de risquer Mademoiselle Geneviève, et cette histoire, nous demandons la permission de la raconter. Si jamais vous vous trouvez assis, par exemple, dans un omnibus, non loin d'une femme parée d'une certaine jeunesse et douée de quelques beautés, vous pouvez vous dérober aux fatigues de la route au moyen d'une distraction légitime, puisqu'elle consiste à suivre simplement le jeu de celles qui, plus mûres ou moins réussies que votre voisine, essayent à leur entrée dans la voiture de se caser dans les conditions les plus favorables pour les 2 ou 3 kilomètres qu'elles ont à parcourir en compagnie d'un nombre aléatoire d'inconnus. À peine la femme mûre a-t-elle gravi la première plaque du marchepied qu'elle a deviné qu'une ennemie est là. La femme, fraîche et close, fut-elle allée s'enfouir dans l'ombre à l'extrémité la plus septentrionale du véhicule, le monologue qu'elle, la femme mûre, se débite alors à elle-même est à peu près celui-ci. « Hey, je te connais. Tu voudrais bien que j'allasse choisir une place à côté de toi, afin de lever subitement ton voile et forcer ainsi ma quarantaine à servir de repoussoir à tes 22 ans, aux yeux de messieurs les voyageurs pour Belleville, le Trône, Passy, Auteuil ou le Parc Ponceau. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Et comme par hasard, après avoir, sans affectation aucune, sans préméditation et sans préférence, chercher une salle inoccupée. Oh mon Dieu, n'importe laquelle. Elle se trouve établie à côté d'une grosse mère de 65 ans, coiffée d'un bonnet ruché, agrémentée d'un panier de légumes et dont la complaisante promiscuité lui enlève 10 ans comme avec la main. Tenez-vous à vous rendre un compte plus exact de cette vendetta latente, de cette guerre de 30 ans, poursuivie sans armistice, entre les femmes d'âge et de minois différents? Pénétrez, vous, hommes, dans un groupe composé de personnes d'un sexe opposé au vôtre, et amenez insensiblement la conversation sur quelques absentes. Vous serez tout surpris de voir décerner sans opposition la pomme de la beauté à la plus édentée, à la plus chauve et à la plus chassieuse. Et vous ne constaterez pas, avec un moindre étonnement, qu'une jeune fille ne peut avoir le nez droit, les cheveux soyeux, les yeux couleur de saphir, et les dents couleur de perles, sans être accusé d'avoir tué son père. Quelquefois, le père est vivant, et l'insinuation perd toute valeur. On se venge alors de ce qui saute aux yeux, en incriminant les mystères de la toilette. Quel malheur qu'elle soit si mal faite, et généralement la riposte qui atteint tout homme assez impertinent pour se permettre de rendre un hommage public à la beauté d'une femme. Il est vrai que s'il s'agit d'une malheureuse déshéritée, dont les désagréments physiques ont été irrémédiablement reconnus et condamnés par le suffrage universel, il n'y a qu'une voix parmi ses compagnes pour déclarer que cette sœur, cette véritable amie, incapable à l'égard d'une camarade, d'une concurrence déloyale, a un corps superbe. Dans ses incessants combats, armes discourtoises et affleurées démouchetées, les coups varient du reste selon les nécessités de la situation. Nous avons dans la panoplie des poignards de formes différentes et des coups de grâce spéciaux. Certainement, on ne peut pas dire qu'elle soit laide, mais elle a la figure tellement insignifiante. Ou encore, oui, mais elle a les yeux trop grands. Rien ne donne l'air bête comme des yeux trop grands. Ou mieux, ah, vous la trouvez jolie? C'est drôle, je n'ai pas encore pensé à la regarder. Mais la formule la plus généralement usitée est celle-ci. Vous me direz tout ce que vous voudrez, je n'aime pas cette figure-là. Ce cliché a d'ailleurs une contrepartie. Je sais qu'elle n'est pas précisément une beauté, mais cette tête-là me plaît énormément, dit-on volontiers de cette catégorie du sexe faible dont le sexe fort se détourne avec soin. Eh bien, ces fausses attaques, ces feintes, ces parades inventées par la corporation des femmes qui, au banquet de la vie, sentent approcher le dessert contre celles qui en sont au premier service. Cette hostilité plus ou moins déclarée, des visages jaunes, contre les visages roses, peuvent s'appeler de la sympathie, de la tendresse, de l'huile d'amande douce et du baume tranquille, si on les compare à la haine que nourrissent les femmes déjà perdues contre celles qui ne le sont pas encore. Ce n'est plus alors de l'inimitié ou de la rancune, c'est de la fureur, de la révolte, de l'insurrection. Le plus adorable bouquet que vous puissiez offrir à une de ces femmes qui ont su élargir le cercle de leurs connaissances, c'est la nouvelle que telle jeune personne, qui passait pour être à cheval sur la vertu, s'est enfin décidée à tomber de cheval. Bien qu'abritée par sa vie laborieuse et renfermée, Geneviève avait été jetée un soir dans les bras de Max par un de ces complots quotidiens qui ont fait éclore sous la plume d'un penseur cette vérité si désespérante. Les femmes ont perdu plus de femmes que les hommes n'en ont aimé. Mademoiselle avait dit tout à coup aux ouvrières du magasin de fleurs de Madame Bachelard, rue Saint-Roch, 17, au premier, où elle terminait son apprentissage. Mademoiselle Clémentine, âgée alors de 15 ans et 2 mois. Mesdemoiselles, est-ce que vous êtes comme moi? Cette Geneviève, je ne peux pas la voir en peinture. Elle a beau cacher son âge, elle a au moins 17 ans. Eh bien, elle s'obstine à faire autrement que les camarades. Faire autrement que les camarades signifiait se passer d'amant. De ce jour, il fut tacitement convenu, rue Saint-Roch, au 17, qu'au premier abîme qui se présenterait sous les pas de la supportable Geneviève, on réunirait pour l'y pousser toutes les forces de la maison et qu'au besoin, les jeunes élèves de Madame Bachelard en creuseraient un de leurs propres mains à l'intention de leur compagne. À 2 mois de là, comme Geneviève qui se levait à 6 heures du matin, se couchait à 8 heures du soir, et logée dans l'établissement même de Madame Bachelard, veuve relativement honnête, mais s'occupant trop de ses fleurs pour s'occuper de ses fleuristes, comme Geneviève, disons-nous, continuait à faire autrement que les camarades, un fiacre s'arrêta devant la maison. On était en carnaval, les commandes abondaient, et à 9 heures du soir, le personnel du magasin était encore au complet. Ce fut au milieu de ce décameron que se présentèrent flegmatiquement 3 jeunes gens de tournure distinguée, qui poussaient devant eux, sans le moindre sentiment des convenances, une grande fille blonde, vêtue en mariée, robe de moire blanche, souliers de satin blanc, et dont la tête était empaquetée dans un voile blanc qui lui descendait jusqu'à la chute des reins. « Alors, Henri, explique-toi, puisque tu t'es constitué mon garçon d'honneur, » dit d'une voix caverneuse cette étrange fiancée, en amenant par la main devant le groupe des fleuristes un des jeunes gens de sa suite. Les jeunes filles se regardèrent stupéfaites. Non seulement elles ne s'étaient jamais trouvées en présence d'une mariée d'aussi haute stature, mais il était évident, mais il n'y avait aucun doute, que cette femme en blanc, si elle n'était pas ivre, avait tout au moins un coup de soleil. « Mesdames, » fit le porte-parole pour couper court à l'étonnement causé par cette apparition, « nous vous amenons notre ami Maximilien qui va ce soir à un bal masqué. L'idée lui est venue de se déguiser en marié du Mardi Gras. Il ne lui manque, comme vous voyez, que le bouquet de fleurs d'oranger et la couronne. On nous a indiqué votre maison, si vous voulez bien lui fournir ce complément indispensable de toute union respectable, il ne reculerait, comme on dit, devant aucune dépense. » Les ouvrières étouffèrent, ou plutôt firent semblant d'étouffer, un orage d'éclats de rire. Mais Madame Bachelard, qui ne connaissait que son commerce, alla chercher dans une vitrine les 2 objets demandés et dit aussi sérieusement que l'incident le lui permettait. « Baissez-vous, s'il vous plaît, que je vous pose la couronne. » Le chapeau de la mariée se trouva trop petit. « Tu y as si peu de droits, ça ne m'étonne pas, » ricana un des jeunes gens. Cette insinuation eut le pouvoir de faire à nouveau tordre de rire les demoiselles du magasin, comme si c'eût été là pour elles le dernier mot de l'inconvenance autorisée. Clémentine, surtout, indiquait par sa rougeur qu'elle ne revenait pas de tant d'audace. « C'est trop petit, en effet, » reprit consciencieusement Madame Bachelard. « Geneviève, vous dressiez une couronne tout à l'heure. Est-elle terminée ?»« Oui, madame, » dit une voix presque enfantine, qui paraissait n'appartenir à aucune des personnes présentes. « Apportez-la, mon enfant. De cette façon, monsieur, vous l'aurez toute fraîche. » Max, dont le cerveau reprenait peu à peu son équilibre, vit alors se dégager de la lumière de 2 lampes placées sur une sorte de comptoir en chêne, au fond de la pièce, le masque de la jeune fille qui se leva lentement. Elle était pâle, d'une pâleur non pas lymphatique, mais mate et laiteuse. 2 yeux noirs énormes, et si peu en rapport avec les dimensions de la tête que l'idée venait que quelqu'un avait poussé le coude au créateur pendant qu'il les dessinait, lui donnait un air de sauvagerie que développait encore un tumulte de cheveux, légèrement crépus ou plutôt floconneux, et plantés en racines droites, avec des rayonnements d'auréole. Cela ressemble à la Judith d'Allori, pensa Max. Ce qui le confirma dans cette impression, c'est que, bien que couverte d'une petite robe de laine quadrillée, noire et blanc, la jeune fleuriste semblait marcher, comme enveloppée d'une draperie. Elle s'avançait d'un pas si grave, ses touffes d'oranger à la main, que Max se sentit décidément ridicule. Tenez-vous un peu là, que je montre à monsieur comment on doit placer la couronne, dit madame Bachelard, en la tortillant autour du lourd chignon de la jeune fille. Elle se prêta de bonne grâce à ce rôle de tête à poupée, mais quand la première ouvrière vint lui prendre le bouquet des mains pour l'attacher en minaudant au corsage de Max, Geneviève glissa rapidement ces mots dans l'oreille de sa patronne. Pas ce bouquet-là, madame, je l'ai composé aujourd'hui pour la fille de la mercière qui se marie après-demain. J'ai peur que cela nous porte malheur à toutes les deux. Ah, c'est vrai, dit Clémentine, enchantée de confusionner un peu sa camarade devant des étrangers. Geneviève s'est toujours imaginé qu'elle finirait par un mariage. Va, ma pauvre enfant, ce bouquet-là ou un autre produira exactement le même effet. Cette qualification de ma pauvre enfant appliquée à Geneviève par une apprentie de 15 ans et demi établissait assez nettement quelle différence morale séparait la plus jeune de l'aînée. C'est égal, appuya Geneviève, si monsieur aime autant un autre bouquet. Donnez-moi celui que vous voudrez, mademoiselle, répondit Max, et ne craignez rien pour la fille de la mercière, car, toute réflexion faite, je me priverai d'aller au bal cette nuit. Tu aurais bien tort, répliqua Henri, le garçon d'honneur qui avait aidé madame Bachelard à compléter la toilette de son amie. Ton voile et ta couronne te vont très bien. Tu as l'air d'un arabe. Ce dernier mot parut émouvoir singulièrement Geneviève. Pour la première fois, elle leva avec intention ses grands yeux sur Max, de plus en plus contrit, et le tint plusieurs secondes sous son regard étonné. Rentrons dans notre fiacre et allons nous coucher, dit-il à ses amis. Madame, j'emporte votre marchandise. Il jeta un louis sur le comptoir, passa le bras droit dans la couronne, prit le bouquet de la main gauche et se dirigea vers la porte en affectant de tituber vaguement. Il voulait se faire une sortie pour couvrir sa gêne croissante. Honneur aux dames, dit Henri, en obligeant Max à s'asseoir sur le devant de la voiture. C'est idiot ce que nous sommes allés faire chez ces fleuristes. Mais elle est bien jolie tout de même, la petite essayeuse.